Merci beaucoup. Maintenant, on va commencer le débat. Et Pascal a le micro. Donc, il faut se lever la main et s'introduire. Et puis, on va prendre combien de questions? 5, 6? Oui, c'est une question pour Madame Clara Palmiste. Moi, je m'appelle Claudie Dessoulier, je suis professeure de lycée. Il m'a semblé que les discours et les propos que vous analysiez étaient vraiment très similaires à ce qui se disait et s'écrivait à la même époque en Europe, enfin en France métropolitaine, entre guillemets. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être mettre plus en relief d'éventuelles spécificités guadeloupéenne? Et par ailleurs, vous avez fait une petite parenthèse en disant que en Guadeloupe, le discours était plus avancé, enfin au sens progressiste, plus engagé qu'en Martinique. Donc je me posais la question pourquoi. Et vous avez donc évoqué deux journaux qui relayaient des discours assez fort, assez engagé de femmes. Vous avez dit qu'ils avaient été fermés, mais je n'ai pas très bien compris s'ils avaient été fermés par l'autorité, enfin à l'époque donc le gouverneur de l'île, ou bien s'il y avait eu une telle pression sociale, masculine, y compris peut-être coloniale, pour que les animatrices d'elles-mêmes cessent leur publication. Voilà, si vous pouviez préciser par rapport à ces questions, je vous remercie beaucoup. Merci. Ma question va d'abord s'adresser à Laurel Semblé. Bon, je suis sénégalaise, je suis de Dakar et je vais souvent à Gorée. Mais peut-être j'ai pas très bien perçu dans votre présentation, mais il me semble que il y a un mythe autour des signards, un mythe que les Sénégalais eux-mêmes entretiennent. Et il me semble qu'on ne joue pas assez sur le fait que leur dimension raciale joue dans leur positionnement. Il est évident qu'étant métisse, fille, alors en général d'un homme blanc et d'une femme indigène, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, ça leur donne le moyen d'accéder à des biens, d'accéder à des ressources à la fois politiques. Alors qu'elles gèrent bien. Mais en même temps, donc toutes les signards n'ont pas réussi, ça aussi il faut le dire, mais les quelques-unes qui ont réussi brillamment, ouais. Parce qu'elles ont réussi à négocier, mais à jouer avec cette dimension de la race qui leur permet d'avoir un certain pouvoir économique et sans doute progressivement un pouvoir politique. Mais en même temps, elles cachent un peu les autres femmes indigènes qui pouvaient avoir leur situation, qui avaient des esclaves, qui avaient du commerce. Mm-hmm. Alors à Gorée, mais aussi à Saint-Louis, mm-hmm. qui faisaient du commerce déjà avec la gomme. Alors Pascal va me dire, oui, c'est quelle année gomme, ça ouais. Le commerce de la gomme. Mm-hmm. Parce que moi, je me souviens des histoires qu'on raconte, mm-hmm. de ces riches femmes tout couleur ou soninké. Oui. Qui étaient vraiment qui étaient à la limite de grandes femmes d'affaires du temps de la colonie, et de la même manière qu'on avait les femmes dans les comptoirs, mais celles-là, il n'y a pas d'histoire autour d'elles. Il y a cette espèce de mythe de la signa, et je pense que la dimension raciale n'est pas assez, à mon avis, évoquée dans ce que j'ai pu comprendre, ou même dans ce qu'on dit autour des signa. Okay. Et ma deuxième question s'adresse à Mahmoud Ibrahim. Sur les chatouilleuses, j'ai bien le terme, je ne le connaissais pas du tout. Mais peut-être ma question sera plus contemporaine. Comment font... Alors, Mayotte, c'est l'équation africaine, c'est le point d'interrogation pour tout le reste de l'Afrique. Comment ils ont fait pour vouloir être département dans un archipel qui ne le voulait pas, alors que toute l'Afrique est indépendante? Bon, c'est vrai que de temps en temps, on regrette... De temps en temps, il y a des gens qui disent, si on pouvait revenir à la colonie, il y aurait peut-être moins de... Ce serait peut-être un peu moins le foutoir, entre guillemets, si besoin l'expression. Pour ça. Mais je voulais savoir comment est-ce que les femmes ont défendu le code de la famille. Il y a un problème autour de la code de famille, du code de la famille et du code de Napoléon. Je sais qu'il y a eu tout un débat autour de la polygamie. Alors si on est marié, si on est né avant telle date ou si on a été polygame avant telle date, comment est-ce que les femmes réagissent par rapport à ces fonctions, notamment sur les règles qui régissent le rapport entre les hommes et les femmes dans Mayotte? Voilà, merci. Omar Carlier, je suis historien du Maghreb. Et deux suggestions et une question pour Morgane Coriou. La suggestion, c'est éventuellement le hammam comme lieu de... Et qu'en est-il du hammam comme lieu éventuel de réception, d'écoute de la radio, plus particulièrement pour les femmes, puisqu'il y a une séparation beaucoup plus stricte dans ce lieu que dans d'autres lieux publics de ce point de vue, donc éventuelle, une possibilité éventuelle. La deuxième, c'est, vous avez dit à propos de cette intervention formidable des nièces de Bourguiba, peut-être vous ai-je mal compris, que c'était quelque chose qui était spontané dans le cadre des interventions spontanées. Comme ça, moi, spontanément, j'en douterais fortement. Bien, peut-être vous ai-je mal compris à ce propos. Et la question, c'est quid des filiations et des références en interne et en externe. En interne, par rapport à un féminisme qui a été avancé par Tahar Haddad et Abul Qasim Shebbi, d'une part, et d'autre part, la filiation du féminisme égyptien, compte tenu des liens plus forts de la Tunisie au regard de l'Égypte, voire du Machrek, par rapport peut-être à l'Algérie et au Maroc. Voilà. Alors, bonjour, Rose Dengue, doctorante à Paris 7. Donc, je travaille sur les femmes, la sphère publique et le pouvoir politique en post-colonie. Donc, je prends l'exemple du Cameroun. Et donc, j'aurais deux questions. La première, dans la veine de Madame Sow, s'adresse à Monsieur Ibrahim. En fait, c'est par rapport justement à cette question d'indépendance, de la lutte contre l'indépendance. Alors, moi, j'avais vu un reportage, donc je ne suis pas du tout spécialiste de la question, sur le fait que, au moment de cette question, l'indépendance de cet archipel, il y a eu des manipulations qui ont fait que Mayotte a préféré se rattacher à la France. Donc, je ne sais pas si vous en savez plus, si vous pouvez nous éclairer un peu plus là-dessus, parce que je pense que ça pourrait s'éclairer le positionnement de ces femmes et donc des hommes qui, comme vous nous l'avez dit au départ, c'est eux qui ont décidé de lutter contre l'indépendance. Et la deuxième question s'adresserait à Madame Palmiste, en fait, concernant en fait les distinctions que vous avez faites. Vous avez fait une distinction donc de classe parmi ces femmes-là, et vous avez fait une distinction entre la Martinique et la Guadeloupe sur les discours que les femmes pouvaient porter elles-mêmes ou qu'on portait sur elles. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a une unité, on va dire, raciale de ces femmes? Je me demande si, en fonction du métissage ou du non-métissage, est-ce que ça a pu influencer, en fait? Voilà, merci. Rachel Jean-Baptiste de l'Université de Chicago. J'ai deux questions, d'abord avec Laurel. I have a question about placing Gorée in the broader context of Senegal. Mm-hmm. Was there something distinct about the ways in which women were citizens and were writing to the colonial state, having this public voice in Dakar? Or were there also a tradition of women having a public voice in the rest of Senegal? So, or was it very distinct, just to place it in broader Senegalese historiography and the idea of women? Et l'autre question, c'est pour Monsieur Ibrahim. J'aimerais développer la question du genre dans votre discours, c'est-à-dire pourquoi c'était les femmes qui étaient pour rester en département de la France. Est-ce qu'il y avait au niveau de la situation des femmes qui ont fait que c'était elles qui étaient pour cette vote? This is Sue Peabody from Washington State University. These were all very interesting and very various. I'm just going to ask one question, but I enjoyed all the papers. This is for Laurel. I was struck by these signores as these single women head of households and property owners of substantial property. And it reminds me of what I've seen in the recensement of La Réunion or Île Bourbon in the late 18th century as well, where you have many, many single women head of households, many of whom own usually smaller amounts, but slaves for sure. And thinking then about what is it that constitutes these social positions, so I'm asking questions about property rights And about the circulation of men and the fact that these are islands with discrete amounts of property that can be divided. And so it seems to me there's a constellation of product, that there's a series of social elements that produce the capacity of women to be serious property owners in these sites. And the fact of movement, transport, being a masculine sphere, that people moving between islands, for the most part, sailors, colonists, are for both African and Europeans, primarily men. If this, and then there's also the disease zone factor, and whether this somehow creates a space where women survive as widows and property rights allow them to accumulate property. And I don't know the local property inheritance traditions in Senegal, so that would be an important factor as well as looking at the French traditions. Merci, c'est Laura Twadjira de Rutgers University. Ma question, c'est pour Morgan Coriou. J'ai beaucoup aimé l'aspect de la présentation sur la transformation de l'intérieur de la maison à cause de la radio et le changement de l'espace pour les femmes. Et je voulais savoir s'il y avait un changement aussi pour les hommes avec l'introduction de la radio, comment ce changement de l'espace à l'intérieur a influé les hommes aussi, mais aussi l'espace à l'extérieur aussi, là où ils sont allés pour écouter en public les radios. Donc, merci. Peut-être on peut avoir les réponses, oui. Bon, il y a des questions pour tout le monde ici, donc on commence avec Laurel. Merci pour les questions. Moitié français, moitié anglais. I'm going to begin with the questions from Rochelle and Sue because I think they're related about placing, and it's related to the question of Fatuso as well, related to this idea of placing the seigneuries within a broader Senegalese community. And the part of the paper that I kind of whittled away when I presented it was there's a broader argument that I want to make that the seigneuries were actually part, in Gorée, were part of the, and I would suspect in Saint-Louis as well, but I'm focusing on Gorée, were part of the community in a much more complex way, that Gorée was not just this place where seigneurs were dominant and they were the only people that mattered, but that in fact you had a lot of women, free African women, who were property owners. You had a lot of free African men who were property owners. You had former slave men, former slave women who were property owners in the late 18th century, according to the some of the recensements. So I want to place the seigneuries within this broader African community. And in terms of the property ownership specifically and the ability for women to own, become heads of households, when I look at the census data, it's interesting. Some of the men would have a wife and then slaves and children and in their household, but the women almost inevitably, whether they were African women or Métis women, would just be a woman and then she would have dependents, slaves, women, men, and children, slaves. And when I've given this paper, the one other time I gave this paper, people were very curious about what they called the invisibility of men, right? Men are invisible. And it was interesting because people were uncomfortable. Why, where are the men? Why? And, you know, usually the question is, you know, the opposite, right? And so people asked, is it because they were mobile, sort of, that they were tended to be traded away as slaves more? What is it about this space? And I'm not really sure. I imagine it's a combination of factors, that because there were women on the island and they were procuring slaves and they procured a lot of women slaves, I think, as sort of to sort of surround them. I'm not sure for what reason, right, yet. I think that there were men present, but they are hidden by the documents because the documents actually focus on the women, right? Especially by the time you get to the 19th century, there's a fascination with women, fascination with the seigneurs, and so they dominate in the documents in a way. I mean, because the mayor of Gorée from the 18th century was always a man, first free African men, and then later Métis men. Definitely men were present and also were powerful. And I think that ability to negotiate with the French was not something necessarily specific to Gorée, that you would find letters like this as well in a place like Saint-Louis. You have letters that are signed. But the Saint-Louis documents, there seem to be, it's a little bit bigger, and there's, I think, more of a presence of men in Saint-Louis balancing out the presence of the seigneuries. And so I think that this idea of la négociation de la race, and jouer avec la race, c'est vrai, mais parce que il y a beaucoup qui est écrit sur les seigneurs et comme elles sont métisses, elles sont jolies, elles sont comme ça. Je voulais, I wanted to get away from that a little bit, and so I sort of didn't talk about that aspect, and I know I have to address it. I like the idea of la mythe autour des seigneurs, because I think it is very much a myth that surrounds them, and I think that it might relate to a 19th century moment when they're put in pictures and painted as part of these journals, which are kind of like tourism guides, Le Monde illustré, right? You know, and sort of like, let's show different women around the world, and sort of, and this was, someone told me that this is what those journals were part of, some of them, and so I do think that it does definitely hide the free African women, especially the free African women on Gorée, even itself, who are powerful, who have money, who also may have been able to be known as seigneurs, because the property ownership was based on the declaration that they would make to the French colonial government, saying that I've been living in this property, can I claim it? And then they would say, sure. So, but I think that that there's a relationship there that needs to be examined. Thanks. Alors, pour ce qui est des hammams, je n'ai pas trouvé de témoignage qui dirait qu'il y avait là. Alors, évidemment, dans le hammam pour les hommes, il y avait le coiffeur. Et là, c'est sûr qu'il y avait une radio pour le hammam principal qui est près de la mosquée Zitouna. Là où allaient les femmes, je pense que c'est seulement à partir du moment où il y a eu le transistor que peut-être il y a eu des radios qui ont été introduites dans les hammams. Mais avant, ça me semble peut-être un peu difficile vu les... vu les postes, mais j'ai vraiment aucun témoignage là-dessus. Par rapport aux manifestations des nièces de Bourguiba, alors évidemment, c'était pas du tout spontané, ça avait été bien prémédité. En fait, je me suis mal exprimée quand j'utilisais le terme spontané, c'était pour distinguer les émissions de radio qui étaient contrôlées, censurées, où l'expression libre était impossible, et justement, c'est quelques temps du direct où parfois, j'avais parlé d'expression spontanée, c'était où les gens pouvaient s'exprimer sans être contrôlés par la censure et faire passer des messages différents. Alors évidemment, c'était des quelques moments de direct qui sont extrêmement rares. Ma question était moins naïve qu'on pourrait le penser, parce que tout le monde sait que Bourguiba a une position avant-gardiste très distinctive à l'échelle de tout le monde arabe et musulman en 56-57, dès qu'il est en position de chef d'État. En revanche, ce qu'on sait beaucoup moins... y compris parfois chez les bons connaisseurs du Maghreb, c'est qu'il a été d'une prudence extrême sur la question du statut des femmes. En 38-39, il est hors de question que le Mujahid al-Akbar s'avance sur ce terrain-là. Et donc, on aurait pu penser qu'en interne, le fait que ses nièces se mettent en avant puisse lui poser un problème, y compris dans son propre parti. Ben, en tout cas, ses nièces étaient voilées, ça c'est bien précisé dans tous les documents. Et lui, je crois qu'à cette époque, il était à Bourges-le-Bœuf, enfin, je ne sais pas s'il était en prison, mais il était un peu à l'écart juste à ce moment-là. Par contre, après, durant le procès, il est venu témoigner pour ses nièces, en faveur de ses nièces et des deux autres femmes qui étaient avec elle. Donc il est venu apporter son soutien pendant le procès quand elles ont été jugées. Pour ce qui est du féminisme, j'ai souvent évoqué la revue Leïla, et Arbia Zaouj, donc la première speakerine tunisienne, était une chroniqueuse dans cette revue Leïla, et cette revue Leïla était particulièrement influencée par l'Égypte et par la Turquie. Donc il y a de nombreux articles sur le modèle égyptien et turc, donc on peut penser que Arbia Zaouj connaissait ces situations, était influencée par ça. Par contre, pour ce qui est des chanteuses qui venaient de milieux extrêmement populaires, je pense que elle ne connaissait absolument pas Tah Hadad ou le modèle égyptien. Pour les auditrices avec qui j'ai discuté, pareil, c'est quelque chose qui n'est jamais dans leur témoignage. Par contre, Bia Zaouche, c'est sûr qu'elle était en lien avec tout ce réseau féministe. Pour ce qui est des hommes et de la radio dans l'espace, au sein du foyer même, le gros enjeu qui me semble avoir que j'ai pu repérer, c'était entre les générations, à savoir est-ce que c'était le père qui avait introduit la radio ou le fils. Parfois le fils introduisait la radio contre l'avis du père, et donc il remettait en quelque sorte en cause son autorité, puisque lui seul savait manipuler les boutons et que le père ne le savait pas. Alors évidemment, le plus important, c'est surtout l'écoute collective de la radio pour les hommes. C'est quelque chose d'extrêmement important en Tunisie, donc dans les cafés morts, chez le coiffeur, dans les boutiques des souks. Et c'était en particulier important pour les autorités françaises qui essayaient de définir qu'est-ce qui était l'écoute publique et qu'est-ce qui était l'écoute privée. Et c'est quelque chose, j'ai juste commencé à travailler sur le sujet, mais je veux développer ça par la suite. Il y a des tas de textes de loi, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où les autorités essayent de définir ce qui est écoute publique, puisque quand ils vont interdire d'écouter les radios étrangères en public. Alors est-ce que quand on écoute dans l'arrière-boutier d'un souk avec 10 autres personnes, et souvent des nationalistes, la radio allemande ou la radio italienne, est-ce que c'est de l'écoute publique ou de l'écoute privée? Il y a beaucoup de problèmes, en particulier pendant l'été, quand les fenêtres sont ouvertes. Il va y avoir les gens qui vont augmenter un peu fort le poste pendant au moment où c'est un speaker italien qui appelle à l'union des peuples arabes contre le colonisateur, etc. Et ça se passe évidemment pendant l'été. Il y a des problèmes aussi dans les cours, quand c'est partagé, en particulier dans la Médina, où là, c'est peut-être plus entre Français et Italiens, des Italiens qui écoutent telle radio, les Français telle autre, et chacun augmente le son au fur et à mesure. Et ça finit en bataille dans la cour de la maison. Et c'est vraiment un aspect très important, cette écoute de collectif. Et c'est bon, j'ai seulement commencé à travailler, et notamment à partir des textes législatifs, où ils doivent vraiment définir ce que c'est l'écoute publique. Voilà. Merci, Clara. Alors, merci pour une question, mais très détaillée, très pertinente également. Alors, les discours, est-ce que les discours sont similaires à l'époque, à la même époque, par rapport à ce qui se passe en France? Je dirais que oui. Effectivement, on a également cette référence à l'éternel féminin. On instruit les filles, on va instruire les filles dans le but qu'elles remplissent leur fonction de mère et d'épouse. Alors, les spécificités, moi, je les vois par rapport à aux orateurs, parce qu'en Martinique, par exemple, les orateurs sont en général issus de l'administration coloniale. C'est ou le gouverneur, ou le secrétaire général, ou le procureur général, ou le chef de l'instruction publique. Alors qu'en Guadeloupe, c'est vrai, c'est plutôt des enseignants, et donc ils sont un petit peu moins, qui subissent peut-être un peu moins de pression par rapport à leurs fonctions. Donc les discours en Guadeloupe vont s'écarter de cette image de la femme confinée dans l'espace privé pour commencer du moins à aborder une certaine ouverture et parler de la question du féminisme, parler de la question de la participation politique des femmes. Et ça, je le vois bien en Guadeloupe par rapport à la Martinique. Alors, les spécificités également par rapport à la France métropolitaine, c'est qu'en Guadeloupe et en Martinique, les établissements secondaires féminins peinent à fonctionner en tant que tels dans les colonies. On a un enseignement secondaire féminin qui est en fait un enseignement primaire supérieur, puisqu'à l'époque, cet enseignement-là ne prépare pas encore les jeunes filles au baccalauréat. Je sais qu'en France, on a les mêmes schémas. Oui, mais en Guadeloupe, en Martinique, c'est plus tardif. Hein, ces établissements secondaires féminins vont préparer plus tardivement les filles au baccalauréat. Les discours en Martinique sont plus progressistes qu'en Guadeloupe. Alors, oh là, il y a plusieurs facteurs que je pourrais évoquer pour répondre à cette question. En Guadeloupe, par exemple, dès le début du siècle, on a la formation de sociétés, de secours mutuels, on a des associations de bienfaisance. Mais on a également l'association des femmes socialistes. Donc les femmes en Guadeloupe vont s'impliquer un peu plus dans la politique. Alors elles ont un rôle, je ne dirais pas qu'elles ont un rôle un rôle prépondérant, mais les partis politiques, surtout le Parti socialiste, va faire l'effort d'intégrer ces femmes dans ses rangs. Ce qui n'est pas le cas en Martinique. En Martinique, on a des associations de secours mutuel, de bienfaisance, etc., mais ces associations vont rester dans des domaines typiquement, d'œuvres sociales, de bienfaisance, etc. J'ai trouvé dans la documentation que j'ai consultée une association franc-maçonne qui s'appelait l'émancipation féminine et qui était rattachée aux droits humains. Par contre, la documentation est extrêmement rare concernant la composition de cette loge féminine. Et par son nom, émancipation féminine, moi, j'ai essayé d'avoir un peu plus d'informations, à savoir si c'était une loge qui commençait à débattre des questions sur le rôle des femmes, etc., ce qui a été pratiquement impossible. La documentation que j'ai pour cette loge féminine concerne plus les années 1943-1941, quand, sous Vichy, on a un démantèlement de pratiquement toutes les loges de Guadeloupe et Martinique, et cette loge apparaît dans la documentation, et c'est un homme qui apparemment la présidait et qui raconte que non, cette loge ne peut pas être... Enfin, elle a été dissoute quelques années avant. Ça, c'est une stratégie que pas mal de loges de Guadeloupe et Martinique, surtout en Martinique, elles vont se dissoudre bien avant le décret de dissolution des loges maçonniques. Donc, en Martinique, il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, mais c'est un travail en cours, il n'y a pas, à ma connaissance, les partis politiques n'ont pas intégré les femmes dans leur rang au début du XXe siècle. Alors qu'en Guadeloupe, ça a été le cas. Donc, les discours progressistes proviennent à la fois du fait qu'en Guadeloupe, il y a ces femmes, le groupe des femmes socialistes. Et je n'ai pas encore la certitude, mais je crois qu'il y a un lien entre le groupe des femmes socialistes qui est créé dans la première décennie du XXe siècle en Guadeloupe et les femmes qui vont fonder par la suite l'écho de Pointe-à-Pitre. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un lien ? Parce que le fondateur des deux journaux, l'écho de Pointe-à-Pitre et Pointe-à-Pitre, n'est autre que Gaston Herlas, qui est un socialiste et qui est affilié également à la mutualité, aux œuvres mutualistes, etc. Mais je n'ai pas, étant donné que le groupe des femmes socialistes n'a laissé que très peu de traces dans les archives, je n'en connais pas la composition. Donc c'est encore des recherches à continuer. Alors, concernant les deux journaux, est-ce qu'ils ont été fermés par les autorités coloniales ou sous la pression sociale ? Alors, je dirais plutôt la deuxième solution, puisque les femmes de l'écho de Pointe-à-Pitre vont avouer que, malheureusement, faute de souscription, elles seront obligées d'abandonner l'entreprise éditoriale. Alors, je rappelle qu'à l'époque, c'est vrai, bon nombre de journaux fonctionnent grâce à ces souscriptions, ces abonnements. Et on a des témoignages assez éloquents dans ces journaux où, par exemple, il y a un article qui raconte comment un ancien notaire qui avait l'habitude de recevoir le journal L'Écho de Pointe-à-Pitre décide un jour de ne plus s'acquitter de cet abonnement. Et il, pour justifier son refus du journal, il déclare ce journal est féministe, mais sachez que ça ne prendra pas ici, et qu'il est contraire justement à ses idées féministes. Je rappelle que l'écho de Pointe-à-Pitre, dans le premier numéro qui va être publié, a une approche très neutre. C'est un journal qui se donne pour objectif d'œuvrer contre les iniquités de la société coloniale, pour aider les femmes en travail d'émancipation, mais qui n'a aucune couleur politique. Et c'est au début, donc il y a pas mal de souscriptions. Et quand, dans les autres numéros, le ton change et que les femmes commencent à parler un petit peu de leur de revendications politiques, et quand elles commencent à remettre en cause l'assujettissement des femmes en disant tout simplement, étant donné que les hommes ont connu l'esclavage, ils doivent bien comprendre que la situation des femmes ressemble à bien des égards à cette situation du passé. Donc c'est des points de vue qui vont également gêner, parce que, par exemple, la référence à l'esclavage, je ne la trouve que dans cette presse, hein, l'écho de Pointe-à-Pitre, je ne trouve pas cette référence à l'esclavage dans les discours de distribution de prix. Donc ce sont des idées qui dérangent, et très vite, faute de souscription, elles sont obligées d'abandonner cette entreprise éditoriale. On en retrouve des journaux de ce type qu'à partir des années 40. Alors, concernant la deuxième question, alors, je n'ai pas trop bien compris pourquoi vous parliez d'unité raciale des femmes et de métissage. Alors, en fait, je ne parle pas d'unité raciale, c'est-à-dire que je dis parce que dans les Antilles, en fait, il y avait forcément un métissage et... Mm-hmm. Il me semble qu'il y avait une sorte d'hiérarchisation aussi par rapport à la couleur de peau. Donc je me demandais si la question raciale... En fait, parce que je demandais s'il y avait une unité, en fait, des femmes. Et donc, est-ce que la question raciale changeait les positions ou apportait des nuances, en fait ? C'était d'accord. Plus ça, la question. D'accord. Donc la question raciale par rapport au discours de distribution de prix ou au niveau de la presse ? Au niveau de la presse. Alors, les femmes de l'écho de Pointe-à-Pitre, alors les femmes de Pointe-à-Pitre, du journal Pointe-à-Pitre, on n'a pas vraiment de précision quant à leur appartenance raciale. On suppose que ce sont des dames de la colonie, puisqu'elles se présentent comme étant des dames de la colonie. Alors, étant donné qu'il n'y a pas de référence raciale, on peut trouver par d'autres biais de qui il s'agissait. Alors, moi, je me suis appuyée sur... les références qu'elle donnait. Dans Pointe-à-Pitre, par exemple, ces femmes, les collaboratrices, vont évoquer, par exemple, le sort de plusieurs corps de métier, le sort des couturières, le sort des vendeuses, des femmes qui travaillaient dans des magasins, des domestiques, etc. Donc, on peut supposer qu'il s'agisse là de femmes à la fois du peuple, et à la fois d'une classe sociale un peu intermédiaire. Hein. L'écho de Pointe-à-Pitre, par exemple, est constitué du même type de personnes. Moi, j'ai parlé de bourgeoisie créole, hein, bourgeoisie noire, parce qu'en effet, elles ne font pas de référence concernant les questions raciales. Elles vont recevoir de la documentation, par exemple, de certaines associations féministes de France, et elles vont enrichir leurs revendications par rapport à ce qu'elles vont recevoir de France. Mais elles ne parlent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de références à la race, ce qui me conduit à penser que c'était des personnes, l'élite culturelle, hein, qui était à la fois connaissant le... À partir de la composition des lycées, des établissements secondaires, on sait que, par exemple, la plupart des filles qui accédaient à l'instruction secondaire étaient issues plutôt de la bourgeoisie noire ou de la classe... c'était des filles de colons. Hein. Donc, c'était... Voilà. Alors, on parle de mulâtres, de blancs. Dans les mulâtres et les blancs... constitue à peu près 90% de ces établissements d'enseignement secondaire. Vu le niveau d'instruction des femmes, parce que les rédactrices de l'Écho s'expriment dans un français impeccable, elles font énormément de références littéraires, etc. Donc on peut supposer qu'effectivement elles sortent de ce genre d'établissement secondaire et qu'elles fassent partie de ce groupe-là, c'est-à-dire le groupe de bourgeoises mulâtres, et noires également, hein, puisque certaines certaines jeunes filles pouvaient, par le biais de bourses, fréquenter ces établissements secondaires. Hein? J'espère que j'ai répondu, mais c'est vrai que c'est encore là une question que je dois approfondir, puisque bon, les journaux à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'images, et on a très très peu d'images. Voilà. Et de toute façon, ce serait en noir et blanc, mais même comme ça, on verrait les nuances. Mais c'est une question à approfondir, mais elle est très, très pertinente. Merci. Donc, si je résume, la première question, c'est comment les femmes peuvent-elles être contre l'indépendance, ou encore, pourquoi ce sont les femmes qui ont lutté pour l'indépendance? Donc, j'avais commencé à y répondre. Ce sont les premières qui sont les premières touchées par le déplacement du chef-lieu. Donc, on a vu au niveau économique. En réalité, dans les familles mahoraises, à l'époque comme aujourd'hui, les hommes sont polygames. Même, ils sont volages. Donc, les femmes doivent assumer la famille et assument entièrement la vie quotidienne. Et à partir du moment où elles perdent leur travail, elles ne sont plus rien, elles ne peuvent plus rien assumer. Donc ça, c'est une première raison. Le déplacement du chef-lieu de Pamandzi vers Moroni, à la Grande Comore, fait qu'elles ne peuvent plus assumer la vie quotidienne. Et donc, elles se sentent plus concernées. Et c'est la première raison. Et je voudrais rappeler ici qu'il n'y a pas réellement d'idéologie dans la première partie de la lutte, du moins. Elles ne sont pas plus patriotes que les autres Comoriennes. Je pense même qu'à la Grande Comore, il y a plus de francophiles qu'à Mayotte. Mais voilà, elles sont touchées au niveau économique. Elles réagissent. L'autre raison, c'est qu'elles ne travaillent pas pour l'administration. Et donc, elles sont plus indépendantes. Elles peuvent manifester où elles veulent. Elles l'ont fait. Et ces manifestations ont provoqué une réaction du gouvernement local, du gouvernement de l'autonomie interne, une réaction qui a souvent été très maladroite, parce que, par exemple, on va faire un blocus de l'île pendant un mois, et aujourd'hui, à Mayotte, tout le monde se rappelle de ce blocus, mais ils ont l'impression que ça a duré des années. Pendant des années, ils nous ont affamés. Ça a duré même pas un mois, puisqu'en fait, le Ramadan est arrivé, et des religieux sont allés voir le président pour lui dire « ce sont des musulmans, on ne peut pas bloquer l'île comme ça », et puis ça s'est arrêté. Mais aujourd'hui, dans dans la pensée générale à Mayotte, c'est pendant des années, on a été affamé. On a eu un blocus, on a été affamé. Ensuite, il y a autre chose, c'est la rencontre entre deux groupes qui sont en quelque sorte rejetés de la notabilité comorienne, les créoles, qui n'ont pas de descendants aristocrates, alors que ça compte, d'ascendants. Aristocrate, alors que tous les postes sont donnés à des descendants de nobles, d'arabes, venus du Yémen ou d'ailleurs. Donc tous les postes au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau de l'administration. Et les femmes sont complètement aussi exclues de cette notabilité, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et donc la rencontre entre les deux va faire en sorte que peut-être que il y a eu une prise de conscience d'une communauté d'intérêts. Si jamais il y a l'indépendance, on va se retrouver marginalisé et on ne va pas pouvoir accéder à certains postes. Et donc les créoles ont compris ça assez rapidement. Je dis créoles, mais ce sont des Maorais créoles. Ils sont originaires en fait de Madagascar, d'une île de Madagascar particulièrement, qui est Sainte-Marie. Et la particularité de cette île, c'est qu'avant Mayotte, c'est-à-dire en 1958, cette île a demandé à rester française. Les habitants ont dit on ne veut pas de l'indépendance avec Madagascar, on veut rester français. Et la France a dit non, il n'est pas question, faites partie de Madagascar. Donc vous prenez l'indépendance avec Madagascar. Ce qui a été le contraire avec Mayotte plus tard. Donc il y a une prise de conscience là, et justement c'est les leaders créoles ont été très stratèges, parce que ils ont su utiliser cela, le fait que les femmes étaient exclues de la notabilité. Ben, ils ont utilisé ce fait-là pour qu'elles soient encore plus remontées, plus les maladresses du gouvernement local. Et puis, il y a eu une grosse maladresse d'un ministre comorien, mais originaire de Mayotte, qui s'en est pris aux femmes avec des propos très, très désobligeants, comme ma mère m'a formellement interdit de répéter ici. Mais ça concerne leur intimité et le fait qu'elles ne peuvent pas résister au fait que leur mari soit loin dans la capitale. Donc elles ont réagi très très mal. Concernant la polygamie, donc quelle position les femmes ont eu par rapport à la polygamie aujourd'hui? Donc c'est oui, mais en fait à Mayotte il n'y a pas de code de la famille puisque l'île est française, donc on applique le droit français. L'île est française pour la France et l'île est comorienne pour le droit international. Donc, on applique la loi française. Et la loi, en fait, sur la famille, ce n'est pas réellement une loi. C'est pendant une discussion à l'Assemblée nationale, il était très tard, et le député maoré de l'UMP a introduit juste deux lignes pour dire qu'on supprimait la polygamie à Mayotte. Sans débat, sans rien. Donc, les gens ont découvert le lendemain que, voilà, la polygamie va être supprimée. Donc la première réaction a été très positive de la part des militantes, des cadres femmes. Elles trouvaient ça très très bien et je pense qu'aujourd'hui il y a un désenchantement parce que ça n'empêche pas les hommes de se marier quand même. Cette fois, c'est pire parce qu'ils se marient, ils se cachent, ils ne le disent pas. Et il y a des femmes qui se retrouvent avec des enfants sans qu'on sache qui est le père. Donc ils vont quand même voir le cadi, enfin pas un cadi, un religieux pour les marier. Et ils sont avec des femmes, la femme, la principale, je veux dire, ne sait pas que le mari est marié. Et on retrouve des familles comme ça où, moi j'étais enseignant là-bas, où il n'y a pas de père. Parce qu'ils ne peuvent pas, les pères ne peuvent pas aller dire à l'administration, voilà, je reconnais cet enfant, il est à moi, et je me suis marié avec cette femme, etc. Donc la situation s'est inversée. Et c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de débat au préalable, et que ça a été fait rapidement. Enfin, la question de la manipulation pour que Mayotte reste indépendante. Bon, il faut être très prudent parce que l'histoire est un enjeu partout, particulièrement dans l'archipel et encore plus à Mayotte. L'histoire a été vraiment un enjeu. Et on a dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de mythes, mais l'histoire véritable n'a pas encore prise dans l'île. Chacun reste avec ce qu'il a entendu dans sa famille. Et sur les manipulations, bon, je pense que fondamentalement, il y avait une majorité de Maorais qui ont voté pour que l'île reste française. Certains témoignent de manipulations dans certains bureaux, de la part du seul parti qui existait à l'époque, le mouvement populaire maoré, puisqu'il n'y avait pas d'autres partis. Mais en fait, la manipulation, ça paraît bizarre, mais enfin, ça paraît... paradoxal, mais la manipulation, elle a eu lieu véritablement ici, en France. Puisqu'on on a dit on fait une consultation des populations comoriennes. Et aujourd'hui, tout le monde écrit, on a fait un référendum, on a demandé à tous les Comoriens s'ils veulent leur indépendance, et les Maorais ont dit qu'ils ne voulaient pas, donc Mayotte est restée française. C'est-à-dire qu'on fait, on joue sur les mots, entre consultation et référendum. Et c'est important. Parce qu'un référendum, c'est on dit non ou on dit oui, et ça devient une loi. Et la consultation, c'est vous pouvez dire oui ou non, on fait ce qu'on veut. Et là, c'était une consultation. Et donc, on a demandé à tous les Comoriens des quatre îles, est-ce que vous voulez votre indépendance? On a précisé clairement que le vote sera pris en compte d'une manière globale. Il y a un député de droite qui a voulu introduire l'idée que il faudrait faire un décompte île par île. Et la proposition a été rejetée à une large majorité à l'Assemblée. Elle n'a pas été acceptée. Donc le vote devait être pris globalement. Et globalement, l'ensemble de l'archipel a répondu oui pour l'indépendance à 94%. Ensuite, on a été voir dans les détails et on s'est rendu compte qu'à Mayotte, 63% des gens ne voulaient pas de l'indépendance. Et au lieu de valider cette consultation, on a fait ce qu'on a voulu. On a dit, bon, on ne va pas valider, on va maintenant faire une constitution, et il faudrait que cette constitution soit acceptée cette fois île par île. Et on savait que elle ne serait pas acceptée à Mayotte. Et donc, les leaders comoriens ont dit non, c'est un manque de respect à notre égard. Ça fait 10 ans qu'on discute d'un processus de décolonisation et on arrive au bout et on nous dit maintenant non, alors que 94% des Comoriens ont voté pour cette indépendance. Donc moi, j'ai plutôt tendance à croire que la manipulation, elle s'est plutôt faite ici, parce que les mouvements aussi d'extrême droite comme l'Action française ont été très actifs dans le Parlement français, dans les médias et dans les parlements français. Ils ont reçu des Mahorais, l'Action française. Bah, à l'époque, ils n'ont pas d'élus, mais ils sont très actifs. Hein. Ah si, si, si, à l'époque, si, si. Aujourd'hui, il vient de mourir, comment il s'appelle, le leader, que j'oublie maintenant, Pierre Pujol. C'était un citoyen d'honneur de Mayotte. Quand il y allait, il avait ses entrées parce qu'il a accueilli les Mahorais ici et qu'ils ont fait du courrier à tous les parlementaires. Ils ont reçu des parlementaires. Ils ont porté la question de Mayotte dans les médias, notamment sur des critères ethniques qui n'existent pas véritablement aux Comores. Parce qu'il y a eu ce mélange. Et dans toutes les familles, on a des Arabes, on a des Africains, on a un peu tout. Et bien, ils ont dit que bon, les Mahorais étaient différents des autres Comoriens, etc. Ce qui ne se vérifie vraiment pas. Puisque parmi les leaders, enfin les femmes qui luttaient, il y avait des femmes de toutes les îles en plus. Voilà, je m'arrête là. Merci. Il y a encore des questions? Oui. Bonjour. I'm Dorothy Hodson from Rutgers University. I have two questions for Laurel on her paper. The first is, you had a brief mention about the sons of seniores and that they kind of took over politically powerful positions. And I was very curious about the daughters of seniores. Mm-hmm. Did they become seniores? Were they married off for power? Or kind of what happened to them, if you've gotten to that in your research? And the second is perhaps more of a comment. You also made this aside that, you know, in looking at these fascinating portraits of them, you know, that some of the earlier ones really seemed to represent their economic and political power, and that later there was kind of more emphasis on their sexuality. And you suggested that that somehow undercut these representations of economic and political power. And I guess I would just want to perhaps think about complicating that. I'm not sure that that's necessarily the case, that often, as you suggested, these portraits were as much about how women were representing themselves as were being represented. And clearly, we can name any women for whom these kinds of expressions of sexual power and sexuality are as much about, you know, representations of economic and political power as well. J'ai une question pour Morgan. Je voulais savoir, pardon, Arundhati Vermani, HESS Marseille. Je voulais savoir s'il y a des mots en arabe qui se mettent en place pour désigner la radio. Et c'est un objet qui vient de l'extérieur. Et ça me rappelle le cas indien que dans la période coloniale, on appelle All India Radio. Et puis à l'indépendance, on commence à penser, on ne peut pas continuer à l'appeler All India Radio. Et il faut vraiment trouver un terme et un mot est trouvé, mais vraiment élaboré, qui est un mot formidable. Ça s'appelle Akash Vani. Et ça se relie avec toutes les mythes et des légendes religieuses où Akash, c'est le ciel. Et Vani, c'est la voix qui vient du ciel. Et dans toutes les légendes indiennes, il y a un moment où un dieu ou quelqu'un a une révélation, la voix vient du ciel. Et il lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Donc Akash Vani, c'est vraiment quelque chose qui relie avec une tradition qui coupe avec All India Radio, que les Anglais ont mis en place. Et donc je voulais savoir si progressivement, il y a d'autres mots en arabe ou établit des relations, mais vraiment propres avec ce gadget qui est très étranger. Thank you for that question, Dorothy, about what happens to the daughters of the seniores, and then if the more sensual portraits of women is really a sort of undercutting their power. It might be actually expanding aspects of their powerful position in society. And I think I can relate the two. What happens in the 19th, and I think it, a lot of this has to do with the historical record and the documents that sort of shift, I think, by the 19th century. And by the 19th century, the people who are métis, the women are not marrying, I mean, there's sort of an original generation of seniores who have children with colonial administrators and what have you. And then by the time you get to the 19th century, most of these families are practicing endogamy. So they're marrying each other to maintain a sort of sense of their discrete community. And in the historical record, because when you get the citizens with the sort of voting rights and these kinds of things, and the men sort of come into these positions as deputies at first during the 19th century, in the middle of the 19th century or so, when seniores appear in the historical record, they appear as these, as sort of symbols of the past, right? And so no, people aren't, and people say, oh, the great seniores have all gone. So people are just sort of focusing on the sons. I mean, the daughters are clearly still there, but the families are marrying each other, and so the way in which they, it's hard for me to sort of see. They're still present and they're still important, but they're just not emphasized in the record. But the relationships or the sort of communal position is one where they're. Interacting with you know other families. What happens to property? Do daughters inherit from their mothers? Well, that's a good question too. The households, when people talk about the households in Gouray in the 20s, because there's still this sort of memory of the households and their sort of architectural treasures for Gouray. They are still associated with seigneurs. I don't know if they're passed through families. I mean, they're associated with the original seigneurie from the late 18th or the 19th century. But it would be interesting to know the extent to which they're able to stay within families and specifically the inheritance. So that's a good question to me to research further. Now, in terms of the images that I showed were all from the 19th century. What I was trying to distinguish between was or differentiate between was between the portraits that you get from the 19th century, and it's interesting that one of the portraits was from a document, Esquisse Senegalaise, Sketches of Senegal, which is written by Abbé Boilat, who is a descendant of, he's from a Métis family, right? And he's a Catholic priest, so this sort of image of the sort of proper, you can imagine why, but there's a whole series of images in his book. The other images of the groups of seigneurs tend to come from these reproductions of images and appear in this monde, Le Monde est illustré, or Tour du Monde, or something like that. And so I need to figure out the sort of context of when these images are done. And then also some of the painters are painters for the Naval Ministry, the Ministère de la Marine, and so they're professional artists for the ministry. And so understanding in what instance the paintings are done, I think, is also important. The reason why I'm thinking that it might be undercutting their political and economic influence is because these 19th century, and it's by the 19th century that people start to no longer seem to be talking about the seigneurs so much as being powerful economic figures and seem to be focusing on them. And they always were focusing on them as these sort of sensual figures. But I think that the economic and political power is seen as being in decline. And so that's why I'm sort of wondering if the imagery correlates with the sort of way that they're portrayed in the record. Alors en Tunisie, il me semble que c'est le terme étranger qui est toujours utilisé dans la langue. On dit radio, on parle de radio. J'ai pas entendu d'exemple où on aurait essayé d'arabiser à part dans la prononciation, le terme. Alors on m'a dit que dans une petite région de Tunisie, c'est le nord-ouest, on continue à parler de Alti SF. enfin on dit TSF pour la radio, et bon, apparemment les gens ont complètement oublié d'où ça venait, du poste TSF, mais c'est entré dans le langage courant pour désigner le poste de radio, mais j'ai pas entendu de telles choses comme en Inde. Mais sinon, j'avais justement une question pour vous par rapport à cette question de l'India Radio, parce que je me demandais si ce terme en hindi était utilisé que par les intellectuels ou si c'était dans l'ensemble de la population, parce que je me rappelle avoir vu dans un film, c'était Dilse, de Maniratnam, je crois, où on parle de All India Radio, en anglais, on utilise le terme anglais. Alors je me demandais si c'était vraiment répandu ou si c'était juste des intellectuels nationalistes qui avaient voulu... Alors, c'est pas que des intellectuels, parce qu'en fait, les deux termes, quand on voit le symbole de la radio, il y a marqué All India Radio, puis Akashvani. Et donc, Akashvani, c'est un terme qui se répète tout le temps dans les émissions à la radio. Donc, ça se diffuse. Et puisque les émissions... Enfin, la radio indienne était quelque chose de... Vraiment, c'était conçu pour unifier le pays, qui est donc fortement diverse, etc. Et dont on a mis en place des programmes dans toutes les langues. Et donc, dans toutes les langues, on va dire Akashvani. Dans les films, par exemple, quand on voit, on trouve des références aussi à Akashvani. Et donc, je pense que c'est les deux. Bien sûr, All India Radio est très connu, hein. Mais Akashvani est aussi très... donc, c'est pas seulement... En tout cas, les intellectuels utiliseraient le terme anglais. Parce qu'ils sont les plus fortement colonisés aussi. Hein. Et les autres sont moins colonisés. Ouais. Donc, c'est... Mais c'est affectif, vous voyez. Et en fait, c'était un projet vraiment qui a été... on a commencé... c'était un projet d'en haut. On a mis des comités ensemble. Et par exemple, la télévision, il y a un mot que je trouve très joli aussi, qui est Doordarshan. Et Darshan, encore, c'est un mot qui vient d'un langage très religieux, c'est-à-dire c'est un rapport qu'on a avec Dieu. Et c'est un mot qui vient avec toutes ces associations. Dour, c'est loin. Donc, on a comment traduire, pas le Darshan du Dieu, mais le darshan des choses qui se passent loin. Et ça, c'est très, très répandu, d'où le darshan. Alors, une question à Laurel Semlet par rapport au signar, en fait. Donc, vous avez expliqué qu'au début, il y en avait qui n'étaient pas mariés, donc qui avaient des enfants, mais c'était avec des administrateurs coloniaux. Mm-hmm. Et après, il y a eu... la génération d'après se mariait entre métis. Donc je voulais savoir quelle était la position donc des femmes, les femmes qui étaient mariées, et quelle était la position de leur mari, comment c'était perçu en fait un peu par rapport justement à leur pouvoir à elles, si vous en savez. Le mari français ou le mari quand ils sont mariés, entre métis, et même le mari français, pourquoi pas, oui, quelle était leur comment ils étaient perçus, quoi. Oui. Merci. Normalement. Est-ce que je peux prendre? Oui. Normalement, les femmes qui se sont mariées avec les Français dans la première période, ont parlé de mariage à la mode du pays. Donc, on a reconnu que il y a ces relations, et c'est reconnu que les femmes sont avec tel ou tel homme et les enfants ont des noms français. Okay? Et normalement, souvent, on dit dans les documents que les seigneurs ou ces femmes vont chercher les Français qui sont assez haut dans la société coloniale, pas n'importe qui qui est là. Et pour la période quand les familles commencent à se marier entre eux, souvent ce sont des familles qui sont assez well-placed families, right, on both sides. And also there's cross-cousin marriage. So the woman I showed, Marie de Saint-Jean, son mari, Barthélemy Durand Valentin, qui était le député de 1848, c'était son cousin. Oui, donc il y a des mariages comme ça. Donc ça indique comment les gens veulent que ça reste dans la famille. Mais c'est une bonne question pour savoir si, j'imagine, je ne sais pas, s'il y a des familles, certainement il y aura des familles, people will marry other people qui ne sont pas métis, mais des familles qui sont très prominent families. And also would make relationships with families in Saint-Louis as well. Yeah. So there were certain families that were very prominent, and they would try to maintain this. And then there were other generations of Métis families, children of British colonial officials as well. And so people will make distinctions between different types of families and what their relationships were in that period, and then of course there's a later period of different Métis families that come along in the 20th century. But I think it's about, you have to not just think they're all Métis, so they're all the same, but there's hierarchy, definitely. Est-ce que je peux un peu commenter sur ce point? Dans les familles signards, elles sont mariées aux Français, alors aux Blancs, disons, hein. Au blanc, disons, parce qu'il peut être français, il peut être anglais, il peut être hollandais. Ils sont mariés à la mode du pays. Alors, on est marié à la mode du pays parce qu'en France, ce mariage n'était pas reconnu. Mais dans la société sénégalaise, il est reconnu parce que c'est un mariage. Et les enfants sont reconnus, portent le nom du père. Et puis, il y a des cas où les femmes sont remariées du tout, même pas à la mode du pays, mais elles vivent. Et elles ont une situation économique qui leur permet de survivre. Et elles n'étaient pas quand même toutes mariées à des blancs de la haute hiérarchie, parce qu'il y avait un racisme quand même qui était là. Et beaucoup de ces blancs de la haute hiérarchie étaient mariés en France, avec des épouses restant en France. Oui. Bon, ils avaient besoin d'une femme et besoin de sexe sur place, donc c'était... Et quand même mariés à toutes sortes de... toutes les hiérarchies, de ce qu'on a appelé du petit blanc. Alors peut-être au grand. C'est comme le. Donc ça, donc y a, c'est quand même très varié. Et dans les familles, on retrouve des familles importantes, mais pas beaucoup, parce que les familles importantes ne voulaient pas que leurs filles musulmanes soient mariées à un non-musulman, parce que c'est juste pas faisable avec la religion. Donc on retrouve souvent des familles d'origine servile, on retrouve également des familles de caste, parce que le Sénégal est une société à caste également. Donc c'est quand même très mélangé. C'est compliqué, oui. Et sans doute que la deuxième ou troisième génération ont fini par se marier entre eux, mais que aujourd'hui, alors Pascal connaît Annette d'Erneville, dont le père est un d'Erneville, la mère est une Turpin. Bon, elle est très foncée comme vous, mais j'ai vu des photos de sa mère, je ne sais pas si dans le salon tu as vu la photo du père, qui sont tous les deux très beaux, mais c'est des métisses, c'est la... Bon, moi, j'appelle pas ça les métisses, c'est la Xème génération. Bon, c'est vrai qu'ils sont beaucoup mariés entre eux. Par exemple, les Valentin et les Guébert se sont reproduits. Donc, les familles se reproduisent, mais il y a un moment où... Bon, mais c'est un peu la fin, c'est plus très métis. Oui, c'est plus... parce que... Et ils se marient un peu à l'intérieur. Oui. C'est quand même très complexe. Encore? Oui, je voudrais faire plutôt une remarque que poser des questions. Je voudrais dire, j'ai été complètement, vraiment passionnée par toutes les communications de la matinée. Bon, c'est une des tables rondes que j'avais envie de composer, même si le titre « Femmes et scène publique » me plaisait pas trop, parce qu'on voit bien avec vos communications qu'évidemment le privé est politique et que public-privé, ça marche pas comme ça. Mais c'était une façon d'essayer de réfléchir aux formes de mobilisation, disons, très variées des femmes. Et ce qui m'a quand même frappée ce matin, c'est que on a l'air de trouver normal tout ce que vous dites, mais il me semble que ça remet en cause un certain nombre d'idées reçues de gens qui travaillent sur le contexte colonial et qui pensent en général l'investissement des femmes dans les médias, dans les écrits, comme disait Laurel, par des pétitions, qui le pensent comme quelque chose de très récent. Or, ce qu'on voit avec tous vos papiers, c'est qu'on a véritablement voilà, une prise d'écriture qui est précoce à travers les journaux, une appropriation du média radiophonique, des formes de mobilisation extrêmement variées. Bon, ce que vous dites sur ces chatouilleuses est complètement fascinant, je trouve. Et donc, il me semble que c'est assez original, en fait, tout ce que vous avez présenté par rapport à la doxa sur voilà, femmes et genre dans les sociétés coloniales. Donc, je voulais vous remercier. Bon, merci à tout le monde d'être venu. Et maintenant, je crois que c'est l'heure du déjeuner.